Merci. Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord que dans la section entrevue de danradiosport.com, hier, on a parlé avec Shane Gauthier. Shane Gauthier qui a terminé sa saison avec les Bombers de Winnipeg récemment. Et dans une entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Shane Gauthier a mentionné évidemment qu'il était quand même content de sa saison. C'est certain que encore plus de connaissances, j'ai appris encore beaucoup cette année. Les choses vont toujours bien, puis je pense que l'équipe a confiance en ce que je fais, puis je vais être prêt. Il me reste encore une autre année de contrat pour l'année prochaine. Je pense que en se présentant en santé, puis tout va bien, je pense que ça va bien. Et dans un deuxième temps, Shane Gauthier mentionne qu'il est encore trop tôt pour mentionner s'il va jouer comme secondaire avec les Bombers l'an prochain. Trop tôt pour commencer à parler de tout ça. Tout ça se dessine tout le long du camp d'entraînement. Tout dépend aussi de quel ratio l'équipe veut. Ouais. Quel Canadien veut que. Où sont les Canadiens que l'équipe veut voir jouer? On va le savoir juste l'année prochaine. Okay. J'ai tout le temps en tête que ma chance un jour va venir, puis je vais être prêt avec celle-là. Trois porte-couleurs des Gaillards de Jonquière ont été sélectionnés sur l'équipe d'Étoiles en vue de. Donc, qui s'est tenu récemment. Il s'agit du demi-défensif Simon Gagnon, le secondaire Philippe Lavoie et le demi-offensif Jordan Fortin. Trois joueurs du haut du lac. Maintenant, on va parler qu'il y a eu une transaction hier dans la Ligue du lac au fleuve. Charlevoix qui a tangé Nathaniel Harvey à la Haute-Côte-Nord en retour de Frédéric Morin. Maintenant, on va parler du classement POC comme on vous le donne à tous les mercredis. Les Rapides de Boumsassini au niveau Bantam sont au 45e rang. Les Hurricanes de Massouillache au 49e rang. Les Ambassadeurs de Chicoutimi sont au 71e rang. Niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 5e rang. Les Ambassadeurs de Chicoutimi au 22e rang. Et les Castors de Delbeau occupent le 63e rang. Et les Épervines Normandins sont au 19e rang. Et les Sabres de Robertval sont au 63e rang. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Shane Gauthier des Bombers de Winnipeg. Également, c'était la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec Jason Lajeunesse et aussi d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.